Le violon par Pierre Féal. La belle propriété de Madame Rameau est enveloppée d'un épais rideau de brouillard, dont les hautes cimes des sapins émergent seules. Depuis 2 jours, la pluie tombe sans relâche, une pluie d'automne, torrentielle, glacée. Les chrysanthèmes des massifs penchent leurs têtes alourdies par l'eau qui remplit leurs corolles. Les merles sont frileusement tapis dans l'épaisseur des lauriers, dont l'on voit poindre, de temps à autre, leurs becs jaunes et leurs yeux vifs. Des gargouilles du toit, l'eau tombe en cascade bruyante, au dehors, et dans la maison tout est humide, triste et noir. Dans le petit salon de la villa, une vieille dame sommeille auprès d'un bon feu, dans un grand fauteuil, tandis qu'à la fenêtre, une jolie jeune fille blonde, svelte, avec des yeux verts, très doux, colle son visage aux vitres et regarde tristement le jardin détrempé et les feuilles mortes qui jonchent le sol. « Il ne finira donc jamais ce dimanche, » dit-elle à demi-voix, en étouffant un long bâillement. Que faire pour passer le temps? Elle a lu tous les livres qui sont dans la maison et ne n'ose pas travailler aujourd'hui. Une idée, si elle allait au grenier, regarder dans les coffres et fureter dans les armoires. Elle s'approche de la vieille dame et d'une voix câline. « Grand-maman, grand-maman !» La grand-mère ouvre les yeux, sourit vaguement et demande « Qu'y a-t-il, mignonne ?»« Grand-maman, je voudrais aller au grenier. Donnez-moi les clés, je vous en prie. »« Au grenier ?» « Mais Margot, que veux-tu faire là-haut ? » demande la grand-mère d'un ton de surprise. « Je m'ennuie tant, » dit la jeune fille. « Je voudrais un peu regarder toutes de belles vieilles choses pour me distraire. C'est vrai qu'il fait un triste temps. » Et la vieille dame tire de sa poche un trousseau de clés. « Tiens, les voici. Mais enveloppe-toi bien, il ne doit pas faire chaud là-haut. » Margot se sauve en courant, tandis que la grand-mère se rendort auprès de son bon feu, bercée par le bruit monotone de la pluie qui tombe. Le grenier, éclairé par 2 grandes lucarnes, tient tout le haut de la maison. C'est un monde, avec des montagnes de coffres, des pyramides de caisses et beaucoup de grandes armoires. Dans les recoins, là où le toit s'abaisse, sont relégués des amas de vieilleries, tables boiteuses, chaises cassées, soupières sans couvercle, manches à balai, couteaux ébréchés, etc. La vieille dame n'entend pas qu'on jette rien de ce dont elle s'est servie. Lorsque Margot était une petite fille, sa grand-mère parfois la menait avec elle là-haut. Elle montrait à l'enfant charmé les caisses pleines de vieux livres, qui avaient de si drôles de petites images et qui sentaient le moisi. Elle la laissait regarder dans les armoires remplies de vêtements anciens. Il y avait là des jupes magnifiques, brodées de fleurs aux couleurs vives et d'oiseaux merveilleux, beaucoup plus beaux que ceux qu'on voit voler dehors. Il y avait aussi des robes d'aïeul en soie brochée, épaisses à se tenir debout toute seule. Des étoffes superbes, comme on n'en fait plus. Mais ce qui intriguait le plus la petite, c'était dans un coin un vieux bahut sculpté. Celui-là, la grand-mère n'avait jamais voulu l'ouvrir. « Tu ne comprendrais pas, tu es trop petite, » répondait-elle à l'enfant qui la suppliait. Et Margot, en parcourant le grenier, se demande si le bahut mystérieux qui a si souvent hanté ses rêveries d'enfant est toujours là. Le voici, dans un coin un peu sombre. Tout de suite, elle le reconnaît à ses licornes sculptées, à sa curieuse vieille serrure en fer ouvragé. D'un coup d'œil aussi, elle démêle dans le trousseau la clé du bahut, une bizarre petite clé comme elle n'en a jamais vue. Elle se demande si elle l'ouvrira. Pourquoi non? Elle n'est plus une enfant, elle comprend tout maintenant. Puis elle regardera vite, rien qu'un tout petit moment, sa grand-mère n'en saura rien. Un peu émue, un peu troublée, elle s'agenouille auprès du vieux meuble. La clé entre, mais elle a peine à tourner. Depuis de longues années, le bahut est resté oublié. Et si la jeune fille n'éprouve pas un désir immodéré de savoir ce qu'il y a dedans, elle serait bien vite lasse de s'exprimer ainsi. Enfin, la clé tourne, le couvercle se lève avec un étrange craquement, laissant échapper une forte senteur de camphre et de plantes aromatiques. Margot aperçoit alors, soigneusement plié sous un linge, un vieil uniforme de mousquetaire terni par les années. Sur la poitrine, une large déchirure qui fait mal à voir. Tout à côté repose le mousquet, rongé par la rouille, et dans un coin, enveloppé d'une serge verte, un violon avec une moitié d'archet. Un vieux petit violon, les cordes n'y sont plus, une grande fente le traverse, il a piètre figure. Mais, tout comme il est des gens qui vous prennent le cœur à première vue, on ne sait pourquoi, les choses ont aussi parfois de ces magnétismes, car à peine Margot a-t-elle regardé le violon, qu'elle se sent une immense et tendre pitié pour cette pauvre petite chose poussiéreuse et fêlée. À l'idée de la laisser ainsi toute seule dans le vieux bahut noir, son cœur se serre. Ces pauvres reliques ont appartenu sans doute à son arrière-grand-oncle Maurice, qui était si brave, qui a été tué à la guerre il y a plus de 100 ans. Elle s'assied par terre et les contemple longuement. Mais le jour baisse, le jour terne et gris de novembre, et Margot s'effraie de se sentir ainsi toute seule au milieu de ces vieilles choses. Elle regarde encore une fois le violon qui gît mélancolique dans son lambeau de serge, puis résolument, elle s'en empare et ferme le bahut dont le couvercle retombe en rendant un son sourd qui se répercute dans tout le grenier, on dirait un long gémissement. Alors, doucement, de peur que sa grand-mère ne la voie, la jeune fille se glisse dans sa chambre. Elle essuie délicatement l'instrument qui, bien vite, reprend fière mine avec ses contours bien découpés, son bois fin, son manche menu et droit. Puis elle le couche, douillettement enveloppé de son plus beau mouchoir de batiste, dans le grand tiroir où elle tient ses trésors et que personne n'ouvre qu'elle. « Tu t'es bien amusé là-haut ? » demande la grand-mère lorsque Margot revient au salon. « Mais oui, » répond laconiquement la jeune fille. Elle se sent tout de même un peu de remords d'avoir ouvert le bahut et emporté le violon. Le soir, en faisant la partie de bésigue de la vieille dame, Margot a des distractions. C'est que malgré elle, sa pensée vagabonde bien loin des cartes, au vieux bahut là-haut, à l'uniforme troué. Elle brûle d'interroger sa grand-mère, mais elle n'ose. Elle commet des bévues, beaucoup de bévues. La vieille dame, à travers ses lunettes, la regarde d'un air surpris, un peu mécontent. Ses idées à elle sont toutes à son jeu. À la fin, elle s'impatiente. « Mais, fillette, que fais-tu donc ce soir ? Tu viens encore d'annoncer 80 euros que tu n'as pas. Il fallait te coucher. Tu as sommeil, je crois. » Margot s'excuse, mais elle est contente tout de même de pouvoir retourner vers le petit violon, dans sa chambre, où elle osera songer tout à son aise à ce qui la préoccupe si fort. Elle a peine à s'endormir ce soir-là. Il est bien minuit, lorsqu'enfin ses yeux se ferment. Soudain, elle entend une petite voix flûter tout près d'elle, une étrange petite voix, un peu creuse, qui lui parle à l'oreille. « Mignonne, » dit la voix, « je suis le violon de votre oncle Maurice, qui était si beau et si brave, qu'il a été aimé d'une grande princesse. Mais là, il est mort à la guerre, et depuis lors, j'ai vécu enfermé dans ce vilain bahut dont vous m'avez tiré tout à l'heure. Accordez-moi une grâce de plus, je vous en supplie. Je voudrais tant essayer de chanter encore une fois. Rendez-moi des cordes. Vous êtes si belle que vous devez être bonne, et vous ne me refuserez pas ma requête. » La jeune fille ouvre les yeux. Elle aperçoit son chevet, dans une étrange lueur bleuâtre, le petit violon qui se tient debout et semble l'implorer. Elle est si étonnée que d'abord elle ne comprend pas. Elle se frotte les yeux, puis veut allumer sa bougie, mais le petit violon a disparu. Cette vision, tout le lendemain, la hante, et comme dans l'après-midi il ne peut plus, elle enveloppe l'instrument dans un grand papier et le porte en ville pour y faire mettre des cordes. Le luthier, un vilain homme à la mine chafouine, tourne et retourne le pauvre violon fêlé. « Ça ne vaut plus rien, » fait-il. « Il faut en acheter un autre. Regardez comme il est fendu. Non, non, » dit la jeune fille, « je n'en veux pas d'autre. Il faut remettre des cordes à celui-là. » Et le luthier remet les cordes en grommelant quelque chose sur les femmes et leurs caprices. Le soir, dans sa chambre, la jolie fille blonde passe délicatement ses doigts menus sur les cordes qui, soudain, rendent des sons si merveilleusement suaves et plaintifs que, tout effrayée, Margot remet le violon dans le tiroir qu'elle ferme à double tour, puis elle se couche. A-t-elle dormi longtemps ? Elle n'en sait rien. Mais voici qu'elle est réveillée par de la musique, une musique gaie, on dirait un chant de fête. Elle reconnaît la voix du petit violon, et en ouvrant les yeux, elle voit sa chambre éclairée par la même lueur bleuâtre que la veille. Mais cette fois, c'est une grande clarté qui emplit toute la pièce, et là-bas, tout au fond, très loin, comme à travers une buée, se promène un essaim de belles dames, brillamment parées, telles qu'on les voit dans de vieux portraits, avec des mouches et de grands cheveux poudrés. L'une d'elles, celle qui marche la première, est si belle, mais si belle, que Margot s'assied dans son lit pour la mieux voir. À travers le léger rideau de brume, elle aperçoit de vagues contours d'arbres, de statues, un beau jardin, puis de magnifiques seigneurs en grand habit. Le plus magnifique de tous est un mousquetaire avec des moustaches blondes, dont les poils brillent comme des fils d'or et de grands yeux ardents. Il passe auprès de la belle dame. Elle, distraite, laisse tomber son mouchoir. Alors il met un genou en terre et galamment le lui rend en baisant la jolie main qui se tend vers lui. Margot voit la dame pâlir sous son rouge, puis s'éloigner et se perdre dans la brume devenue plus épaisse et avec elle la brillante compagnie qui la suivait. Le violon, lui, joue tout le temps de petits airs guillerets qui vous mettent la joie au cœur. Mais soudain, le rythme devient plus grave, l'air plus doux, avec une teinte de mélancolie, et Margot les voit reparaître, lui, le beau mousquetaire, et elle, la jolie dame. La compagnie les a quittés. Il se promène seul, tendrement enlacé, dans les grandes allées dont les arbres ont à travers la brume des aspects de fantômes. Leurs visages sourient, leurs lèvres remuent, ils doivent se dire de bien douces choses. Mais tout ce qui en parvient à l'oreille de la jeune fille est un chuchotement léger comme le frôlement d'une aile de papillon. Puis leurs bouches s'unissent dans un long baiser. Oh, un si long baiser que jamais Margot n'en a rêvé de pareil et que, toute rougissante, elle cache son visage dans ses couvertures. Elle voudrait bien savoir si une fois on lui donnera à elle un baiser comme celui-là, et si c'est doux à recevoir. Puis elle relève la tête pour voir encore un peu, mais les amants ont disparu, et le violon ne joue plus depuis un grand moment. La jeune fille déjà se demande si c'est tout, s'il ne verra plus rien. Mais voici que retentit une fanfare guerrière, on entend des pas de chevaux, mais toujours lointains, très lointains. Si on ne les voyait pas, on ne songerait jamais que ce petit bruissement cadencé est le trot d'une armée qui passe. Dominant ce mince bruit d'ombre, le violon joue lui aussi la marche guerrière. L'endroit a changé d'aspect maintenant. Ce n'est plus un jardin qu'on voit, mais à travers le brouillard toujours, ce singulier brouillard qui semble un rideau de gaz, on aperçoit une rue aux hautes maisons de pierres sculptées. On dirait des palais, avec de grands porches et des balcons. Et dans cette rue, l'armée défile magnifique et brave. Margot ouvre tout grand ses yeux d'ondine pour mieux voir les écharpes de soie, les toques de velours, les grandes plumes qui ondoient, les cuirasses qui luisent, les étendards qui voltigent, les chevaux superbement harnachés que montent de beaux seigneurs à la crâne-allure. Les halbardes brillent, les casques flamboient et les jolis pages envoient des baisers aux jeunes filles qui se tiennent aux fenêtres. Là-haut, sur un grand balcon dont la balustrade de fer est ciselée comme de la dentelle, Margot aperçoit la belle dame. Mais elle a l'air triste, on dirait qu'elle pleure. Et maintenant, sur un fougueux cheval noir qui se cabre, le voici, lui, le beau mousquetaire. Le plus beau toujours, comme il regarde la belle dame, comme il s'incline et comme, du haut de son balcon, elle le suit des yeux avec amour. Mais déjà, la brume impitoyable dérobe ses splendeurs aux yeux émerveillés de Margot. La lueur bleue seule éclaire encore la chambre, et le petit violon maintenant joue un air si lamentable, si lugubre, que la jeune fille voudrait le faire taire. Pourtant, il n'y a rien de si triste dans ce qu'elle voit. Un salon immense, avec des peintures dans tous les panneaux, et beaucoup de seigneurs et de belles dames, comme dans le jardin tout à l'heure. Ils dansent une danse solennelle avec de grandes révérences. Jamais Margot n'a vu danser de la sorte. Le mousquetaire, que bien vite elle cherche des yeux, n'est pas là, mais la belle dame pimpante est magnifique toujours. Elle fait de profondes révérences à un vieux monsieur qui a une figure de singe et qui marche raide comme un bâton. En ployant les genoux, il fait des grimaces si drôles que Margot rit tout haut de le voir. Et toujours le violon, le petit violon de malheur, joue son air triste qui fait pleurer. Et voici que tout à coup, comme par enchantement, le salon doré a disparu. Et la jeune fille voit un endroit affreux. On dirait un cloître saccagé par la guerre ou l'incendie. Les arceaux sont à demi écroulés. Les pierres des tombes au milieu gisent pêle-mêle, arrachées, brisées. Une mousse noirâtre pousse entre les dalles disloquées. Et là, tout seul, abandonné, le mousquetaire est couché sur le dos. Ses beaux yeux ardents sont grands ouverts, vitreux, sur sa poitrine, qu'un souffle inégal, saccadé, soulève encore une déchirure béante à trouer l'uniforme. Alors, le petit violon fait entendre un son si déchirant que Margot frissonne de terreur et ferme les yeux. Puis un soupir, un profond soupir, comme celui d'une âme qui s'envole. Longtemps encore, il vibre dans le grand silence de la nuit. Lorsque la jeune fille, dont le cœur bat à se briser, ose enfin ouvrir les yeux, tout est noir. Alors elle allume la bougie. Elle est dans sa chambrette paisible. Pas un meuble n'a été dérangé, pas un bibelot n'a changé de place. Tout est comme la veille lorsqu'elle s'est couchée, et même du tiroir, où elle a enfermé le violon, sort un bout de mouchoir de batiste. Encore toute frémissante, elle s'en va pour le remettre en place. Dans celui de Baptiste, le petit violon gît, brisé en morceaux. C'était Le Violon, par Pierre Féal.